Section 53 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Jehan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095-1270, publié par Ernest de Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 10, quatrième partie, les arts. Par Charles-Victor Langlois. L'art gothique. Si le XIIe et le XIIIe siècle ont été, comme on vient de le voir, des siècles remarquables, à des titres divers, au point de vue de l'histoire littéraire, ils ont été plus grands encore au point de vue de l'histoire de l'art. Au XIIe siècle, l'art gothique s'est dégagé de l'art roman. Au XIIIe, il a produit des chefs-d'œuvre parfaits. Mais en quoi la révolution dite gothique a-t-elle consisté? À quelle date s'est-elle opérée? En quel lieu? Les origines de l'architecture gothique. La transition de l'art roman à l'art gothique s'est faite dans la région formée par le Valois, le Beauvaisis, le Vexin, le Parisis et une partie du Soissonnais durant la première moitié du XIIe siècle. On eut l'idée, vers 1100, dans l'Île-de-France, de renforcer les arêtes des voûtes d'arêtes dont on se servait dans ce pays, de préférence aux voûtes en berceau et aux coupoles, par des arcs en croix jetés diagonalement au-dessus de chaque compartiment d'arêtes, d'un angle à l'angle opposé. Ces arcs, qui avaient le grand avantage de consolider la voûte d'arêtes et en même temps d'en faciliter singulièrement la construction, furent appelés arcs ogifs, ogives. Vers 1125, on s'en servait déjà couramment. En outre, les constructeurs de l'Île-de-France eurent l'idée de remédier à la poussée des voûtes sur croisées d'ogives. À cet effet, ils inventèrent l'arc boutant. Et l'introduction de ce membre nouveau d'architecture fournit une solution excellente du problème que s'étaient posé de tout temps les architectes, augmenter la légèreté et la hauteur des édifices sans en compromettre la solidité. On n'avait réussi jusque-là qu'à faire des églises basses, massives. Mais du jour où l'on prit l'habitude de placer sous le comble des tribunes des bas-côtés, au droit de chaque pilier, des arcs soigneusement appareillés, qui s'appuyèrent d'une part à l'endroit des murs de la nef où s'exerce la poussée des maîtresses-voûtes, et de l'autre sur d'épais contreforts extérieurs placés hors des bas-côtés, le problème fut résolu. En effet, grâce à cet artifice, dont le principe est celui de l'été, qu'on arc-boute contre les murs d'une maison pour les empêcher de se déverser, le constructeur est à l'aise. Puisque la solidité de l'édifice ne dépend plus que de la bonne construction des arcs-boutants, ses étais fixes et de leurs supports, les contreforts extérieurs, il peut se permettre d'élever les clés des voûtes à des hauteurs auparavant inusitées. Il peut pratiquer dans les murs latéraux, désormais inutiles à l'équilibre de la bâtisse, des percements immenses qui laisseront entrer à flot la lumière si parcimonieusement distribuée naguère par les fenêtres ébrasées des monuments romans. Telles étaient quelques-unes des conséquences enfermées dans la modeste invention qui fut faite par les maçons de l'Île-de-France au commencement du règne de Louis VI. Les constructeurs de l'Île-de-France, qui, les premiers, ont employé systématiquement la croisée d'ogives et l'arc boutant, avaient depuis longtemps une préférence marquée pour les arcs en tiers-point, qu'ils employaient dès la fin du XIe siècle, au lieu de l'arc en plein cintre, alors à la mode dans la plupart des autres pays. De là le goût marqué de tous ceux qui ont imité la manière de bâtir de l'Île-de-France pour l'arc brisé. Mais c'est bien à tort que l'on considère communément la présence de l'arc brisé, improprement appelé ogive, comme le caractère essentiel qui permet de distinguer au premier coup d'œil un monument gothique ou ogival d'un monument roman. Ce qui caractérise un monument gothique, ce n'est pas l'arc en tiers-point, c'est la voûte sur croisée d'ogives et l'arc boutant de support. L'Île-de-France est encore couverte d'églises construites pendant l'âge de formation du style gothique. On y observe les tâtonnements, les progrès, les luttes de l'art nouveau contre la tradition, telles sont les vénérables églises de Morienval, de Saint-Étienne de Beauvais, de Cambronne-les-Clermont, de Saint-Germer, de Saint-Leu d'Esran, la chapelle de Bellefontaine, etc. On cite à Paris même le chœur de l'ancien prieuré de Saint-Martin-des-Champs, une partie de Saint-Germain-des-Prés et l'église Saint-Pierre de Montmartre. Évolution et diffusion de la nouvelle manière de bâtir les églises. L'architecture que l'on appelle à tort ogivale, ou sans raison gothique, que l'on devrait appeler l'architecture française, on disait au Moyen-Âge « opus franciginum », fut donc définitivement constituée quand on prit l'habitude de voûter sur ogive toutes les églises, de faire porter le poids de leurs voûtes sur des arcs-boutants calés par des contreforts extérieurs, et aussi, il faut le reconnaître, d'y remplacer partout le plein cintre par le tiers-point. Le style gothique, l'opus franciginum, qui a régné en Occident durant 400 ans, n'est point demeuré stationnaire. Il s'est avancé jusqu'à la fin du XIIIe siècle dans la voie de la perfection, gothique primitif, gothique lancéolé. On aura dans un autre volume de cette histoire à parler de sa glorieuse décadence, gothique rayonnant, gothique flamboyant. Il est difficile d'expliquer clairement, sans figure et en peu de mots, ce qui différencie les monuments du gothique primitif de ceux du gothique lancéolé. Les principaux monuments du gothique primitif sont les parties anciennes des cathédrales de Noyon, de Sens, de Laon, de Paris, de Soissons. À la période du gothique lancéolé appartiennent la plupart des grandes cathédrales. Chartres, dont la nef et le chœur étaient terminés à la fin du règne de Philippe Auguste, Reims, commencé en 1212, Amiens, dont Robert de Lusarche donna les plans en 1220, la nef et le transept, jusqu'à la naissance des grandes voûtes, étaient déjà élevés en 1228. Saint-Denis, dont la nef et le transept sont attribués à deux des architectes attitrés de Louis IX, Eudes de Montreuil et Jean de Chelles. Beauvais, dont le chœur prodigieux fut achevé en 1272, Le Mans, Bourges, etc. Et la Sainte-Chapelle du Palais à Paris, qui commençait en 1245 sur les plans de Pierre de Montreau, était entièrement terminée le 25 avril 1248. Tous ces édifices, et d'autres qui ont disparu, comme le chef-d'œuvre d'Hugues Libergier, Saint-Nicaise de Reims, représentent les moments successifs d'une évolution organique. À mesure que les architectes ont été plus sûrs de leurs arcs-boutants, du calcul des poussées et des résistances, ils ont osé davantage. Les arcs se sont aiguisés, les profils se sont allégés, les nefs, les transepts et les chœurs ont pris des proportions plus imposantes. Le déambulatoire du chœur s'est garni de chapelles profondes. La surélévation des bas-côtés a entraîné la disparition des tribunes. Entre les faisceaux de colonnes et de colonnettes savamment disposées qui se relient aux nervures des voûtes, les murs ont été remplacés par de vastes baies, garnies de meneaux et de verrières. Et ces fenestrages sont encore agrandis à la partie inférieure par un triforium à claire-voie. Les colonnes ascendantes jaillissent du sol à 36 mètres de haut dans la cathédrale de Reims. Les clés de voûte d'Amiens sont suspendues à 42 mètres, celles de Beauvais à 47 mètres. La construction en fer peut seule aller au-delà. En résumé, les églises gothiques ont été, depuis le milieu du XIIe jusqu'à la fin du XIIIe siècle, de plus en plus grandes, de plus en plus hautes, de plus en plus claires. Le nouveau système de bâtir, l'art gothique, si supérieur aux systèmes antérieurs, s'est substitué d'abord à partir des dernières années du règne de Philippe Auguste, dans toute la France, aux écoles provinciales d'art roman. Autant du reste que sa supériorité intrinsèque, les progrès de l'unification territoriale du royaume autour de l'Île-de-France, cœur des domaines capétiens, ont contribué à sa diffusion. Puis, il a rayonné hors de nos frontières, en Allemagne, en Suède, en Angleterre, en Espagne et jusqu'au fond de la Hongrie. Les cisterciens l'ont implanté partout où ils ont bâti des églises. Une foule d'évêques étrangers, anciens étudiants de l'Université de Paris, attirèrent chez eux des architectes français. C'est ainsi que l'on voit encore aujourd'hui des églises gothiques en style de France à Canterbury, à Lincoln, à Burgos, à Uppsala, à Roskilde, etc. L'architecture militaire et civile. On demeure confondu des ressources matérielles de la société qui, sans effort apparent, a dressé, en si peu de temps, tant de cathédrales gigantesques, bâties avec le plus grand soin. Mais l'étonnement augmente si l'on considère que, outre les édifices religieux, les hommes du XIIe et du XIIIe siècle en ont construit beaucoup d'autres, presque aussi considérables, qui ne sont point parvenus jusqu'à nous. La France était couverte, au milieu du XIIe siècle, de ces gros châteaux carrés, dont les donjons ruinés de Loches, de Beaugency, de Nogent-le-Rotrou, de Falaise, sont aujourd'hui des spécimens isolés. Le règne de Philippe Auguste, qui vit fonder presque toutes les plus belles églises de France, vit aussi les constructions militaires d'un type nouveau se multiplier. Philippe Auguste fit bâtir, en effet, à Paris, les forteresses du Louvre et de Nesle, des châteaux forts en forme de tours cylindriques à Montargis, à Poissy, à Melun, à Bourges, à Rouen, à Dourdan, à Issoudun, à Gisors, etc. Le château féodal de Coucy, élevé entre 1223 et 1230, demeure comme le type de ces constructions formidables. L'enceinte dont Philippe Auguste avait entouré Paris a disparu. Mais les murailles d'Aigues-Mortes, de Carcassonne, d'Angers, de Provins, de Gisors, etc., attestent encore l'habileté technique et l'activité des ingénieurs militaires du XIIIe siècle. Les bâtiments de la Merveille au Mont-Saint-Michel sont de ce temps-là. Très peu de monuments civils d'une époque aussi ancienne ont été conservés sans retouche. On cite cependant l'hôtel de ville de Saint-Antonin, Tarn-et-Garonne, le palais épiscopal de Laon, la maison des musiciens à Reims, les maisons de cordes et de quelques autres bastides de Gascogne, les hôpitaux d'Angers et de Tonnerre, la grange aux Dîmes de Provins. Art décoratif, la sculpture. À l'époque romane, les premiers imagiers s'étaient appliqués à copier des modèles antiques et des modèles byzantins. Ruines romaines, ivoire, joyaux de Constantinople ou de l'Extrême-Orient. Les figures de Saint Trophime d'Arles rappellent celles des sarcophages gallo-romains. Les décorateurs du cloître de Moissac ont imité tant bien que mal des scènes byzantines. Partout, jusqu'au XIe siècle, la sculpture d'ornement s'en était tenue à la reproduction plus ou moins fidèle des motifs traditionnels de l'Antiquité ou de Byzance. Galons, nattes, torsades, bâtonnets, perles, auves, palmettes et fleurons. Des motifs de provenance barbare ou asiatique, entrelacs, animaux, fantastiques, etc., et des motifs de fantaisie. Au XIIe siècle, la sculpture française s'émancipa tout à coup. Viollet-le-Duc a osé, le premier, comparer cette évolution remarquable à celle qui fit sortir l'art de Phidias de l'art de l'école d'Égine. Comparaison qui causa naguère du scandale qui est banal aujourd'hui. Il est à noter que l'essor de cette sculpture originale coïncida justement avec l'ouverture des grands chantiers de la période gothique en Île-de-France. Les tailleurs de pierre de l'Île-de-France étaient, au moment où ils mirent en pratique les artifices de construction dont nous avons parlé plus haut, d'une rare habileté manuelle. Ils avaient commencé à remplacer les anciens motifs stylisés d'ornementation architectonique par des motifs entièrement nouveaux. À l'ornementation conventionnelle, savante, puisée à tant de sources diverses des édifices romans, ils substituèrent hardiment l'ornementation d'après nature, d'après la vie. Ils copièrent d'abord les plantes d'eau, arômes, iris, nénuphars, si simples et si largement décoratives, si communes dans les fonds marécageux de la vallée d'Oise. Puis ils s'attaquèrent à l'acanthe indigène, à la fougère. Au temps de Philippe Auguste et de Saint-Louis, on rechercha les feuillages légers et tourmentés, et l'on appliqua sur la corbeille des chapiteaux des branches de lierre, d'érable, de houx, des sarments de vigne, des chardons, le persil et la chicorée de nos jardins. Rien n'égale l'élégance et la dignité monumentale de cette décoration botanique, quand elle est traitée comme elle l'a toujours été en France au Moyen-Âge, par des artistes sûrs de leurs ciseaux. La statuaire proprement dite s'est dégagée moins vite, mais aussi complètement que la sculpture d'ornement des traditions byzantines. On a prétendu que les tailleurs d'images du Moyen-Âge n'avaient su faire que des corps allongés, grêles, sortes de gaines drapées en tuyaux d'orgue, terminées par des têtes à l'expression ascétique et maladive. Bien à tort, le musée de moulage du Trocadéro à Paris a dissipé cette légende. La sculpture moderne commence avec les statues, dont les visages éclairés d'un sourire énigmatique sont déjà si parfaitement exempts de l'hiératisme traditionnel qui sont au portail principal de la cathédrale de Chartres. Les 22 statues colossales de la porte centrale, les princes de ce peuple de 2500 statues qui animent la cathédrale de Reims, le beau Dieu d'Amiens, la Vierge du portail de Paris, la Vierge de la Porte Dorée, Amiens, les apôtres de la Sainte-Chapelle, les effigies royales de Saint-Denis, ne le cèdent guère en vérité, en grâce ou en énergie, à ce que l'art idéaliste de l'Antiquité grecque a produit de plus exquis. Viollet-le-Duc en a fait le plus bel et le plus juste éloge quand il a dit « Chacune de ces statues a son caractère personnel, qui reste gravé dans la mémoire comme le souvenir d'un être vivant qu'on a connu. » La statuaire du XIIIe siècle était faite, comme celle des temples antiques, en vue du milieu où elle était destinée à figurer. Et elle était, c'est une ressemblance de plus avec l'art grec, coloriée. Les portails, aujourd'hui noircis par le temps, des cathédrales gothiques étaient dorés et peints. Les fonds de couleur sombre, les ornements, redessinés par des traits brunâtres, de ton clair. Ceux qui ont vu la porte du transept nord de la cathédrale de Reims, encore intacte parce qu'elle fut mise de bonne heure à l'abri des intempéries par l'annexion d'une sacristie, sont en mesure de juger des effets que l'on obtenait jadis grâce à ces polychromies éclatantes. Art décoratif, la peinture. Tous les édifices du XIIe et du XIIIe siècle étaient décorés de peintures murales, exécutées avec une entente remarquable des lois de l'harmonie des couleurs, dessins enluminés et très légèrement modelés qui couvraient les grandes surfaces ou simples touches de couleurs destinées à faire valoir les membres de l'architecture. Au XIIe siècle, les grandes scènes décoratives étaient peintes dans des tonalités analogues à celles des peintures byzantines. Fond très clair, brun rouge, gris ardoise, avec des fermetés très vives, des rehauts blancs et pas d'or. Telles sont les célèbres peintures de l'église de Saint-Savin, du temple Saint-Jean à Poitiers, de Mont-Loire, Loir-et-Cher, de la chapelle du Liget, de l'église du Petit Quevilly, près Rouen, etc. Au XIIIe siècle, les emplacements réservés à la peinture murale furent réduits par suite des percements si hardis de l'architecture gothique. La peinture murale s'effaça devant le vitrail, ou peinture translucide, à laquelle elle ne servit plus pour ainsi dire que de cadre. Elle ne disparut point, toutefois, mais pour soutenir convenablement par des rapports de ton l'éclat nouveau des verrières, elle se transforma. Les couleurs franches, bleues, rouges, triomphent dans les peintures du XIIIe siècle qui se détachent sur des fonds très sombres, avivés d'or à profusion. Voyez par exemple la décoration restaurée par Viollet-le-Duc de la Sainte-Chapelle du Palais à Paris. Art décoratif, le vitrail. La peinture sur verre est un art particulièrement médiéval. Il débute au XIIe siècle par les verrières de la Trinité de Vendôme, de Saint-Denis, des fenêtres de la façade de la cathédrale de Chartres. Ces vitraux primitifs, dont le moine allemand Théophile donne les procédés de fabrication dans sa fameuse Scedula Diversarum Artium, sont de véritables mosaïques de morceaux de verre diversement colorés, rapportés et soudés avec du plomb. On commençait par dessiner un carton sur lequel on posait les verres découpés. On enchâssait toutes les pièces dans le plomb, on redessinait au pinceau les ornements avec une couleur noire vitrifiable. Après cuisson, on maintenait la mosaïque transparente dans la baie qu'elle était destinée à fermer par une armature en fer scellée à la muraille. Les couleurs étaient simples, et dans la pâte, bleu, rouge, jaune, blanc verdâtre, jamais de demi-teinte. Le modelé n'était point obtenu par des dégradations de lumière, mais par des hachures brutalement tracées au pinceau. De près, rien de plus barbare, mais c'est ici que s'affirme l'instinct décoratif des artistes d'autrefois. Ces verrières, vues d'en bas, de loin, se détachent par masses puissantes. Les détails se noient dans le lointain, les draperies s'accusent, les personnages apparaissent avec des proportions harmonieuses, et les parois de l'édifice, suivant une vieille expression, semblent construites avec de la lumière. L'art du peintre verrier arriva au XIIIe siècle à sa perfection, sans changement considérable de la technique, et se diversifia. Les plus admirables spécimens de vitraux à figures et à médaillons se trouvent à Chartres et à la Sainte-Chapelle de Paris. Les plus belles grisailles de ce temps à Rouen, à Soissons et à Saint-Serge d'Angers. Les hommes du Moyen-Âge, qui comprenaient mieux que les modernes la nécessité d'adapter l'art aux conditions naturelles du climat, ont inventé dans la verrière colorée la décoration la plus convenable pour des monuments élevés sous un ciel souvent voilé, car les mosaïques transparentes enrichissent, en la décomposant, la lumière pâle des pays du Nord. Les arts mineurs. Le Moyen-Âge n'occupe pas une place très élevée dans l'histoire intellectuelle de l'humanité, mais il en a une éminente dans l'histoire des progrès artistiques et industriels qui ont changé, en les embellissant, les conditions matérielles de la vie. Nous ne possédons malheureusement, il est vrai, qu'un très petit nombre d'orfèvreries et d'étoffes de cette époque. Peu d'objets en métal précieux ont échappé à la fonte. Le patrimoine artistique, légué par le XIIe et le XIIIe siècle, a été dilapidé. Mais les anciens inventaires, l'iconographie des manuscrits, les recueils de recettes techniques, telles que la schedula de Théophile, et quelques épaves, font cependant assez bien connaître le style et les modes de fabrication de la plupart des objets dont se servaient nos pères, leurs costumes, leur mobilier, leurs armes, leurs bijoux. Parmi les industries d'art, l'une des plus florissantes était l'émaillerie, qui fut pratiquée de très bonne heure dans la ville de Limoges et dans les vallées de la Meuse et du Rhin. Les émaux limousins, chanlevés ou en taille d'épargne, jouissaient, dès le XIIe siècle, d'une réputation européenne. L'émail de Geoffroy Plantagenet au musée du Mans et le ciboire d'Alpais au Louvre sont deux chefs-d'œuvre célèbres. Les ateliers limousins ont atteint au XIIIe siècle l'apogée de la prospérité. La tapisserie de haute lisse était déjà connue depuis longtemps au XIIe siècle, tapisserie du dôme d'Halberstadt. Et nous savons que Limoges et Poitiers tissaient dès cette époque des tentures décoratives. Au XIIIe siècle, Paris et Arras avaient déjà des fabriques renommées, mais il ne paraît pas que l'on ait conservé aucun échantillon de leurs produits. L'industrie du tissage de la soie et de la laine ne semble pas avoir été pratiquée en Occident sur une grande échelle avant 1100. Mais après 1100, l'Europe chrétienne cessa de faire venir toutes ses étoffes précieuses, samite, sindal, camelot, etc., de Sicile ou d'Asie mineure. Quant aux étoffes communes, la fabrique locale suffisait largement à la consommation. Au XIIe siècle, dit Quichera, d'énormes quantités de draps se fabriquaient en Flandre, en Picardie, en Champagne, en Languedoc. Presque toute la population des grandes villes, dans ces provinces, y mettait la main. Chacune avait son espèce particulière qu'on reconnaissait au tissu et à la teinture. La France était célèbre en Europe pour ses tissus rayés. Les arts du bois, charpenterie, hucherie, menuiserie, ont atteint au Moyen-Âge un degré de perfection unique. Au XIIe et XIIIe siècle, les meubles étaient faits en menuiserie plate, revêtus d'applications de cuir, de toiles peintes ou de ferronneries décoratives. Tels sont les bahuts du XIIIe siècle que l'on conserve au musée Carnavalet à Paris et à la cathédrale de Noyon, les armoires de Noyon, d'Aubazine et de Bayeux. Vers la fin du règne de Saint-Louis, la mode s'introduisit d'enrichir les panneaux de bas-reliefs sculptés en plein bois, bahut du musée de Cluny. Mais c'est dans l'ornementation des stalles de chœur que triomphait l'art des huchiers. les plus anciennes stalles en bois ouvrées se voient aujourd'hui à Notre-Dame de la Roche, Saint-Éoise, à la cathédrale de Poitiers et à Saint-Andoche de Saulieu. Les fèvres ou forgerons qui travaillaient les métaux au marteau savaient les assouplir de manière à créer ces pentures en forme de feuillage ou de rinceaux symétriques que les plus habiles praticiens de notre temps admirent au vantaux des portes de Notre-Dame de Paris. Les orfèvres, d'après la schedula de Théophile, savaient graver les métaux précieux au burin et à la pointe, exécuter au repoussé des bas-reliefs et des figures, les terminer par la ciselure, les orner de niel. Ils fondaient aussi à cire perdue de grandes pièces. Cet art fut très brillamment pratiqué en Allemagne au XIIe siècle. Chasse de Saint-Servais à Maastricht, des rois mages à Cologne. En France, on cite comme l'œuvre capitale de la plastique en bronze la tombe de l'évêque Évrard de Fouilloy, exécutée en 1223 dans la cathédrale d'Amiens. La musique. La période qui s'étend du IVe siècle au milieu du XIIIe environ peut être considérée comme la première époque de formation de la musique moderne. Les peuples envahisseurs avaient apporté avec eux le germe d'un art nouveau, dont les anciens n'avaient jamais conçu l'idée. Telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec ses infinies délicatesses, avec ses souplesses merveilleuses, avec ses moyens multiples d'expression et de coloris, notre musique est d'origine barbare. Les anciens avaient eu une musique à eux, ayant pour base des principes bien différents des nôtres. Ils en avaient fait un usage tout artistique, il est vrai, mais restreint aux moyens dont ils disposaient. Le jour où, au VIIe siècle, dans les Sentences d'Isidore de Séville, on avait vu apparaître la première mention précise de l'harmonie, la musique est une concordance de plusieurs sons et leur union simultanée. Un art nouveau était né, le nôtre. La nouveauté de cette musique, ainsi annoncée, était le sentiment de la tonalité. D'où devaient sortir nos gammes, notre mélodie, notre harmonie, toute notre langue musicale en un mot. Ce principe aujourd'hui si simple en apparence de la tonalité et de l'égalité des gammes entre elles a mis près de 8 siècles à s'établir. Il apparaît à l'état rudimentaire dans les théoriciens des 10e et 11e siècles, puis au 13e siècle avec quelques proses, avec quelques chansons de trouvères et de troubadours et surtout d'Adam de la Halle. Il devient nettement reconnaissable jusqu'au moment où, s'accentuant de plus en plus, la tonalité moderne est bien et définitivement constituée à la fin du XVIe siècle. Pendant cette longue genèse, les musiciens n'ont pas manqué et les premiers siècles du Moyen-Âge sont remplis de musique. Jusqu'au XIIe siècle, celle qui nous est restée est assez difficile à lire à cause de la notation. Nous voulons parler des neumes. C'étaient des signes conventionnels, formés de fragments de lettres de l'alphabet qui, placés sans ligne au-dessus des mots, représentaient les sons avec leur hauteur et leur valeur rythmique. Cette écriture resta assez vague, de l'aveu même des contemporains, jusqu'au moment où une ligne tracée dans le vélin indiqua la place de certains sons et où Guy d'Arezzo établit ce principe, au XIe siècle, que tous les signes placés sur la même ligne et en face de la même clé, représenterait toujours la même note. C'était la théorie de la portée, théorie féconde, puisque nous lui devons la notation moderne. C'est encore à cette même époque que nous voyons apparaître la polyphonie, c'est-à-dire les premiers morceaux à 2, 3, 4 et même 5 parties. En effet, Hucbald de Saint-Amand, à la fin du IXe siècle, parle longuement en s'appuyant d'exemples de la diaphonia ou organum, barbare agglomération de sons d'où sortira notre harmonie. Ce sont les théoriciens comme Réginon de Prüm, Odon de Cluny, Hucbald, Bernon, Hermann Contract, Guy d'Arezzo, qui dans leurs traités nous donnent, à défaut des morceaux de musique qui ont disparu, l'idée de ce qu'était l'art profane et religieux avant le XIIe siècle. À ce moment, le voile qui obscurcissait l'histoire de la musique se lève. Les documents abondent, les manuscrits notés et faciles à lire sont nombreux, les traités deviennent clairs et détaillés. Les XIIIe et XIVe siècles représente la grande époque musicale du Moyen Âge. Les écoles, tant profanes que religieuses, ont pris un merveilleux développement. La notation bien établie sur les lignes de la portée, armée de ses clés, est claire pour celui qui veut la lire après un peu d'étude. Il existe déjà des genres de musique bien reconnaissables. La chanson du trouvère se distingue de la prose ou de l'hymne du compositeur d'église. La mélodie a du tour, du rythme, une certaine élégance. Les cacophonies barbares de l'organum tendent à disparaître pour faire place aux « déchants » soumis aux lois d'une harmonie plus correcte. De nombreux instruments soutiennent le chant de virtuoses habiles. Partout se glisse la musique. À l'église, où nous voyons que les plus beaux chants de la liturgie sont de cette époque, où les représentations des mystères nous offrent le spectacle de véritables opéras, dans les châteaux, où l'on entend pas seulement quelques chanteurs isolés, mais des concerts nombreux et bien organisés, sur les places publiques, où retentissent, outre les chants des mystères, les fanfares des pompes princières. Enfin, c'est en 1285, à Naples, que l'on entend la pastorale de Robin et Marion, du trouvère Adam de la Halle, la première pièce lyrique profane digne de ce nom. Il y a là toutes les manifestations d'un art véritable, et la musique est entrée dans la voie où elle ne s'arrêtera plus. Pendant cette longue période de l'histoire musicale, c'est la France qui tient la première place. En musique, comme en poésie, l'influence de notre race est prépondérante. En Espagne, nos troubadours et ménestrels ont donné le ton. En Italie, nous avons vu Adam de la Halle triompher à la cour de Naples. En Angleterre, il est tout naturel que les trouvères normands, picards et artésiens aient importé l'art de France. Seule l'Allemagne paraît déjà vouloir créer une musique à elle. Les chants des Minnesinger, qui ont été conservés en grand nombre, ont une allure différente des nôtres. On découvre dans ces mélodies un art spécial, une langue musicale particulière dont il faudra tenir compte plus tard dans l'histoire de la musique. Avec la seconde moitié du XIIIe siècle et les siècles qui suivront, nous entrerons dans plus de détails, embrassant cette longue période jusqu'à l'évolution qui termina le XVIe siècle et donna naissance à la musique moderne. Nous avons seulement voulu tracer ici un rapide tableau de la musique au premier temps du Moyen Âge et la montrer prenant sa place à côté des autres arts. Apportée par les races nouvelles, cette musique, si différente des chants grecs, ne jette encore peut-être que de faibles lueurs, mais à partir du XIIIe siècle, ses progrès seront rapides, et le temps n'est pas loin où elle apparaîtra resplendissante dans l'histoire du génie humain et de la civilisation des peuples. Fin de la section 53.